Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Edmond Rostand et la création de l'aiglon. Ce 15 mars 1900, le théâtre Sarah Bernhardt est en effervescence. Le tout Paris est là pour assister à la première de l'aiglon avec l'immense actrice dans le rôle titre. Mais dans les coulisses, avant le lever de rideau, l'auteur de la pièce se morfond d'angoisse. Edmond Rostand, jeune, élégant, un rien guindé avec son monocle, sa moustache à pointe et son col dur, a tout pourtant pour être heureux. C'est lui qui, 3 ans plus tôt, est devenu une gloire nationale avec le triomphe de son Cyrano de Bergerac. Mais qu'en sera-t-il de l'aiglon ? Cette pièce qu'Edmond Rostand a conçue dans les pires souffrances. Le sujet est ambitieux. L'histoire du roi de Rome, le fils de Napoléon, qui, malade, isolé dans un château en Autriche, ne connaîtra jamais la gloire de son père. Sarah Bernhardt joue l'aiglon et Lucien Guitry le rôle de Flambeau, l'ancien grognard de l'empereur, immortalisé par ses vers superbes. Et nous, les petits, les obscurs, les sans grades, nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché ni de dotation. Mais nous le verrons ce soir, l'aiglon n'aurait jamais vu le jour sans la géniale Sarah Bernhardt, qui, elle, ne doutait de rien. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. François Taillandier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancier, auteur également de plusieurs biographies, notamment celle d'Edmond Rostand, intitulée « Edmond Rostand, l'homme qui voulait bien faire », un titre un brin énigmatique, nous y reviendrons tout à l'heure. En tout cas, la biographie est bienvenue pour cet auteur finalement assez méconnu. Est-ce que la gloire de Cyrano aurait fait de l'ombre à son auteur ? Ah, je pense, oui. Oui, ça reste encore le cas aujourd'hui, puisque je crois que Cyrano de Bergerac est une œuvre infiniment populaire. À ma connaissance, ça plaît à peu près à tout le monde. Mais du coup, ça laisse dans l'ombre son créateur et le reste de son œuvre, qui est inégalement intéressant, il faut bien le dire, mais enfin, qui est très intéressant et à certains égards, à mon sens, injustement oublié ou méconnu. Ce qu'on sent bien à vous lire aussi, François Taillandier, c'est l'amitié que vous éprouvez pour cet homme, pour l'écrivain, et cela depuis l'enfance, depuis votre enfance. Oui, depuis l'adolescence, effectivement. J'ai lu Cyrano adolescent, comme beaucoup de gens, j'imagine, puis l'aiglon, etc. Mais ce qui s'est passé d'étrange, je ne sais pas pourquoi, c'est que je ne me suis pas arrêté au charme de ces pièces-là. J'ai eu envie de savoir qui était cet homme. Et en effet, au fur et à mesure que je savais un peu plus de choses de lui, j'ai éprouvé une espèce d'affection pour lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui me fascine, peut-être parce que derrière le brio étincelant de ses pièces, on devine très vite un homme fragile, un homme un peu blessé, un homme qui est un peu douloureux. Et ça m'inspirait beaucoup d'intérêt et de compassion. Ah, Edmond Rostand est né à Marseille en 1868 dans une famille bourgeoise. Par quel biais, par quel chemin va-t-il devenir l'auteur glorieux de Cyrano en 1897 ? C'est-à-dire, a priori, tout le destine à une carrière, dans le cadre de sa classe sociale. Il fait du droit, on lui fait faire des études de droit, ça n'a pas l'air de l'intéresser beaucoup. Et très vite, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est la poésie et le théâtre. D'une certaine façon, en insoumission avec... sa famille respecte la poésie, les lettres, tout ça, c'est très bien, mais on estime que ce n'est pas sérieux. Mmh. Et Edmond va s'obstiner à écrire, et faire des débuts assez timides d'ailleurs, puisqu'il écrit une première pièce qui s'appelle Les Romanesques, qui est reçue au Théâtre Français, mais alors ils mettent à peu près 2 ans avant de la jouer, enfin c'est pas du tout glorieux quoi. Mais il s'obstine, et puis surtout, il y a eu sa rencontre et son mariage avec Rosemonde Gérard, qui l'encourage énormément dans cette vocation poétique, qu'elle partage d'ailleurs, parce qu'elle écrit aussi. Elle. Est-ce qu'Edmond Rostand se rattache à une école littéraire à cette époque-là, ou c'est un électron libre ? Il est très isolé dans son époque, je pense. Il se rattache au romantisme, ça, son dieu, c'est Victor Hugo, mais dans les courants littéraires de son époque, il fait assez figure d'isolé. Hein, c'est... D'ailleurs, il n'aime pas les cénacles, je crois, il n'aime pas les cabarets, les clubs de poètes, tout ça, c'est pas du tout son genre. Il a des relations, il a des amitiés, mais enfin, il vit dans son coin, et on a l'impression que d'emblée, il fait ce qu'il a à faire, lui, et que rien ne l'atteint. Il s'intéresse à des choses très différentes de ce qu'il écrit, mais lui, ça ne le modifie pas. Voilà, il est ça, il écrit des pièces de théâtre en vers, dans une tradition classique et même un peu baroque. En 1897, donc, Edmond Rostand vit un véritable triomphe avec son Cyrano de Bergerac. Il n'a que 29 ans. Il va connaître une gloire incroyable. Enfin, il reçoit la Légion d'honneur. Comment expliquer ce triomphe ? Ben, je crois qu'à l'époque, personne ne se l'explique et lui ne s'y attend surtout pas. Il a d'abord travaillé pour Sarah Bernhardt, elle l'a repéré assez vite, ce jeune poète, lui paraissait quelqu'un d'intéressant, et elle était à la recherche de nouveaux rôles, elle voulait enrichir son répertoire, donc il a écrit deux pièces pour elle, La Samaritaine et La Princesse Mathaine, qui ont marché assez moyennement sur le nom de Sarah Bernhardt, et puis il rencontre l'acteur Constant Coquelin, qui lui aussi a envie de se renouveler, qui a l'impression d'avoir pas fait tout ce qu'il pouvait faire dans le théâtre. Et il lui parle de ce sujet de Cyrano de Bergerac. L'histoire, tout le monde la connaît, n'est-ce pas ? C'est peut-être pas la peine de la résumer. Sujet un peu aberrant quand on y réfléchit. Coquelin s'enthousiasme et dit « Écrivez-moi ça ». Et Rostand va se saigner aux quatre veines pendant à peu près un an pour faire Cyrano. Mais alors, à la veille de... lorsque la pièce est montée, Rostand est persuadé qu'il va se ridiculiser, que sa pièce ne tient pas debout, qu'il va être sifflé, que ça va périr en un soir ou deux. Et c'est le contraire qui se produit. C'est un triomphe absolument incroyable, un des plus immenses triomphes connus du théâtre français depuis qu'il existe. Alors pourquoi ? Parce que finalement, Rostand a su toucher à quelque chose de très précieux, je pense, pour le public et pour les Français de cette époque. Il exalte ce héros français à la fois plein de bravoure, de panache, d'insolence, qui est un vaincu, mais un vaincu glorieux. Voilà. Et ça, ça va énormément toucher l'âme, en fait, toucher, je crois, le cœur des Français de son époque. Une France très nationaliste, d'ailleurs très cocardière, mais qui reste marquée par la défaite de 70. Et donc Cyrano, c'est un peu son... C'est le héros de cette France-là, d'une certaine façon. Alors il incarne l'esprit français, l'insolence, les mots d'esprit, etc., la faconde. Et puis en même temps, ce qu'il y a de tragique, puisque c'est un héros malheureux. Enfin, et donc ça va énormément émouvoir. Et puis ça émeut tout le monde, je crois, parce que peut-être ce Cyrano qui n'ose pas déclarer son amour à celle qu'il aime, peut-être beaucoup d'hommes sont secrètement touchés par ça, vous voyez. Je crois que Rostand réussit à toucher la sensibilité et le cœur du public par tous les côtés, à la fois. Pour ça, Taillandier, je propose que nous allions donc à la rencontre de L'Aiglon, justement, la pièce qu'il a écrite par la suite. Donc nous allons nous retrouver dans une trentaine de minutes, si vous le voulez bien. Tout de suite, Edmond Rostand et la création de L'Aiglon, un texte de Marjorie Philibert écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Baptiste Guiton. Je n'aurais pas dû y aller en fiacre. Chaque chaos résonne dans ma tête comme un tambour. Mais si j'avais traversé le boulevard à pied, il ne m'aurait pas lâché. Depuis 6 mois, pas moyen de sortir de chez moi tranquille. Ce matin, j'ai trouvé devant ma porte 5 ou 6 lettres de femmes et au moins 10 exemplaires de Cyrano. Mais qu'est-ce qu'ils croient ? Que je n'ai que ça à faire, dédicacer des livres ? Rosemonde m'a dit que je devais accepter d'être une icône nationale. Oh non ! Eh oui, tu as voulu la gloire, tu l'as eue. Mais tu ne te doutais pas que son habit serait aussi lourd à porter. Qu'est-ce que je vais dire à Sarah tout à l'heure ? Que j'ai envie d'écrire une nouvelle pièce comme de me pendre ? La pièce qui suivra Cyrano ne pourra être qu'une catastrophe ? Avril 1898. Depuis la première de Cyrano de Bergerac, 4 mois plus tôt, Edmond Rostand est devenu une gloire nationale. Dans une France meurtrie par la défaite de 1870, son héros plein de panache a conquis le cœur du public. Mais ce jeune homme sage, issu d'une famille bourgeoise, est d'une santé et d'un tempérament fragile. Sujet à des crises de neurasthénie depuis l'enfance, il vit mal cette célébrité soudaine et alterne entre moments d'euphorie et d'angoisse. Paralysé par le triomphe de Cyrano, il repousse sans cesse le moment d'écrire une nouvelle pièce. Sauf que sa grande amie, Sarah Bernhardt, ne l'entend pas ainsi. À 56 ans, l'actrice, au sommet de sa gloire, ne rêve que d'une chose, que son poète, comme elle l'appelle, lui écrive un rôle à la hauteur de Cyrano. Tétanisé, c'est à reculons que Rostand se rend chez elle pour le thé, boulevard Pereire, un après-midi d'avril 1898. Des mots que la nuit écoute. Entrez. poète. Ma chère Sarah. N'en ayez pas peur, c'est le petit dernier. Viens ici. C'est qu'il est bien gros pour un chat. Oh, c'est un puma. Je l'ai ramené de Chicago. Il va rien vous faire, c'est sa manière de faire connaissance. Viens ici, viens là. Voilà, voilà, c'est fini. Elisa, emmenez Chatterton dans ses appartements. Oui, madame. Et apportez-moi du thé. Et pas comme hier. Je le veux brûlant. Très bien, madame. Votre adorable ménagerie ne fait que rehausser votre beauté, ma chère amie. N'est-ce pas? Celui-là, je l'ai pris châtain clair, comme moi. Mon cher, je suis si heureuse de vous voir. Que dites-vous de cette robe? C'est mon costume pour m'aider de Catulle Mendès, que je répète en ce moment à la Renaissance. Voilà encore un rôle fait pour vous. N'est-ce pas? J'ai commandé l'affiche à Moucha. Il a fait un travail admirable. Merci. Posez ça ici. Que buvez-vous, mon cher? Rien, ma chère. J'ai depuis quelque temps des aigreurs d'estomac. J'espère que votre admirable petite femme prend bien soin de vous. Vous savez bien qu'il n'existe pas d'être plus tendre et dévoué que Rosemont. Oh, tout Paris le sait, vous avez épousé une sainte. Pardon, madame. On vient de finir les retouches de la tenue de madame du dernier acte. Oh, formidable, je vais l'essayer tout de suite. Doucement, ma fille, doucement. Faites attention aux épingles qui traînent, là. Oh. Mais inutile de vous tourner, mon cher, ne soyez pas ridicule. On dirait un collégien. Je ne voudrais pas être importun. Mais tout Paris pense que nous sommes amants. Alors, vous pouvez bien regarder. Bon, merci, Elisa, ça ira. Je crains, hélas, que cette rumeur ne soit bien plus flatteuse pour moi que pour vous, madame. Pas mal, cette tunique. Oh, savez-vous, hier soir, j'ai dîné chez Mounet Sully. Le pauvre était fou de jalousie. Il me dit, songez que ce Rostand pourrait être votre fils. J'ai répondu, eh bien, l'essentiel est que ce ne soit pas le cas. Madame, croyez en tout cas que si je n'étais pas mariée, j'aurais été ravie d'ajouter mon nom à tant d'illustres prédécesseurs. Vous êtes mariée à la gloire désormais, ce qui est bien plus intéressant et pour vous et pour moi. À ce propos, qu'avez-vous pour moi? Pour vous? Pour vous, ma chère, je suis prête à écrire jour et nuit. Mais encore? J'ai bien un sujet en tête, mais je ne sais si... Enfin... Mais dites toujours. Je suis pas sûr que le rôle vous convienne. Allons, allons, allons. Vous n'avez pas fait tant de manières quand vous êtes allé voir Coquelin de ma part pour lui proposer Cyrano. Je sais, ma chère. Croyez bien que je n'oublie pas tout ce que je vous dois. Vraiment? Cela fait 8 mois que l'on joue Cyrano à guichet fermé et toujours rien pour Sarah de son poète chéri. J'ai bien une idée, mais... Bien dites. Voici. L'action se passe dans un château à Schönbrunn, en Autriche. Le héros? Un jeune homme de 20 ans, exilé, loin des siens. Le jour, il erre dans le palais, comme une ombre. La nuit, il n'arrive pas à dormir, car il est hanté par le fantôme de son père. Il le voit à Wagram, à Iéna, à Austerlitz. Le fils de l'empereur? Lui-même. Oh, quelle formidable idée! Vraiment? Mais comment? Hugo a célébré le père. Si vous chantez le fils, on verra en vous son digne héritier. Vous ne m'en voulez donc pas? Mais de quoi? De m'offrir le plus beau rôle de ma carrière? Le plus beau rôle de... Oh, c'est exactement ce qu'il me faut! Bon, voyez-vous, j'ai décidé de racheter le théâtre du Châtelet. 1700 places. Et ça va me changer de cette cage à poules de la Renaissance. Quand j'ouvre les bras, j'ai l'impression que je vais me cogner au mur. Bon, mais le Châtelet est à refaire entièrement. J'ai besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Et pour cela, il me faut la nouvelle pièce de l'auteur de Cyrano. Mais vous voulez vraiment jouer l'aiglon? Et pourquoi pas? C'est-à-dire que... jouer un jeune homme malade? Vous qui êtes si... si pleine de vie, si rayonnante, si... Si vieille? Ce n'est pas ce que je voulais dire. La revanche des femmes maigres est que l'âge venant, elles conservent un squelette d'adolescent. Tenez. Touché? N'ai-je pas la taille de mes 20 ans? Si, bien sûr. Le public adore me voir en homme. J'ai triomphé dans Lorenzaccio. Je vais jouer Hamlet la saison prochaine. Le roi de Rome sera mon couronnement. Pardon pour ce mauvais jeu de mots. Mais oui, bien sûr. Il faut que mon aiglon vous ressemble. Mais parfaitement. Il sera comme vous. Lunatique, autoritaire, capricieux. Passant de l'exaltation à la mélancolie, alternant les moments de lucidité et d'hystérie. Je sais pas si... Rêvant d'être l'égal de son père, mais tourmenté par la mélancolie de ceux qui se savent condamnés. Charmant, à 56 ans, me voilà enterré. Un enfant égocentrique, incapable d'éprouver ce sentiment noble qu'est l'amour. Un être bavard et superficiel, enchaînant les conquêtes pour tromper l'ennui. Oui, je crois que j'ai compris. Merci. Merci, ma chère amie. Comptez sur moi. Grâce à vous, je tiens ma pièce. Edmond Rostand n'est pas le premier à s'intéresser au roi de Rome. Depuis sa mort tragique en 1832, l'Aiglon est devenu une figure romantique, adulée par les nostalgiques de l'Empire. Mais Rostand, porté par une euphorie nouvelle, se sent de taille à s'attaquer à la légende napoléonienne. Il décide de s'exiler au château du Soupiseau, près de Compiègne, pour y écrire sa nouvelle pièce. Mais les affres de l'inspiration le rattrapent. Un an plus tard, Rostand est toujours au Soupiseau, sans avoir écrit une seule ligne. En cet été 1899, même la sollicitude de Rosemonde et l'affection de ses enfants venus le rejoindre paraissent sans effet sur sa terreur de la page blanche. Oui. Maurice et Jean veulent aller au petit étang cet après-midi. Yolande nous a préparé un pique-nique. Il y a des tranches de rôti, du melon, des groseilles. Eh bien. Voulez-vous vous joindre à nous ? Qu'est-ce qui rime avec hirondelle ? Dentelle ? Nacelle ? Oui, nacelle. Mais non, ça ne va pas. Je viens d'écrire barque dans le vers précédent. Quel imbécile ! Que jetez-vous là ? Une page entière. Laissez cette feuille où elle est. Plus tard, vous me remercierez. Vous remercier ? Et de quoi ? De veiller sur moi comme un enfant, de m'accabler avec vos tracas domestiques ? Je ne demande pourtant qu'une chose, qu'on me laisse en paix dans cette maison. Vous oubliez que sans moi, le cinquième acte de Cyrano serait resté dans la cheminée. La bonne heure. Cyrano aurait été une pièce en quatre actes, voilà tout. Ah oui, Roxane aurait épousé Cyrano. Ils auraient vécu heureux et auraient eu beaucoup d'enfants. Rosemonde, je ne suis pas à la hauteur de mon sujet. C'est tout. Et ce n'est pas d'aller chercher trois misérables vers dans la poubelle qui va changer quoi que ce soit. Edmond, je ne suis pas seulement votre femme. Je suis votre amie, votre lectrice, votre admiratrice de la première heure. Croyez-vous vraiment que je vous encouragerais à écrire cette pièce si je n'y croyais pas ? Ce n'est pas ça, Rosemonde. Je suis malade. C'est cette mauvaise toux qui vous inquiète ? Le médecin vous l'a dit, ce n'est rien. Un simple refroidissement qui passera dans quelques jours. Je ne parle pas de mon corps. C'est mon esprit qui est malade. Comment expliquez-vous que sitôt que mes personnages apparaissent dans mon cerveau, ils se dérobent à ma plume comme des fantômes ? Que pour un vers que j'écris, ce sont 100 autres qui s'enfuient ? Je ne serai jamais Victor Hugo. Il était une force de la nature, comme Napoléon. Moi, je suis condamné à être l'Aiglon. Une misérable créature, esclave de ses nerfs. Edmond, vous n'êtes pas l'Aiglon. Vous êtes l'auteur du plus grand succès du théâtre français. On jouera encore Cyrano dans 100 ans, j'en suis sûr. Cyrano passera de mode. Il est déjà passé. Le public veut la suite. Que lui dire ? Que ça va faire bientôt un an que je passe mes journées dans cette chambre à déchirer des pages ? C'est Sarah, n'est-ce pas ? Sarah. Le mois dernier, Jules Renard m'a rapporté que vous lui aviez dit que Sarah Bernard était nécessaire à votre vie. Oui, et alors ? Et alors la voilà, votre maladie. Vous êtes amoureux d'elle et en son absence, vous dépérissez. Mais que dites-vous ? Sarah m'est nécessaire, c'est vrai, mais c'est tout. Comment ça ? C'est tout ? Elle m'est nécessaire comme le soleil il est à la terre, mais rien de plus. Mais vous la rassurez ? Mais sa flamme éclaire mes ténèbres parce qu'elle est loin de moi. Si nous étions amants, elle me brûlerait. Comprenez-vous ? Ce que je comprends, c'est qu'elle est la seule à pouvoir vous arracher à vos états morbides et que pour cette raison, je vous pousserai sans hésiter dans ses bras. Mais je n'ai pas besoin d'être dans ses bras. Écrire pour elle me suffit. Quand j'y arrive. Et pourquoi n'iriez-vous pas la rejoindre à quelque temps ? Rejoindre Sarah ? Elle est censée s'en tourner. Le diable seul sait où elle se trouve. Vous ne lisez pas les journaux ? Elle est en Autriche, où elle joue son Hamlet. Pourquoi n'iriez-vous pas la retrouver là-bas ? Vous pourriez vous rendre avec elle à Schönbrunn sur les traces de l'Aiglon. À Schönbrunn ? Non, je ne peux pas. Elle va me demander ce que j'ai écrit et je n'ai rien à lui montrer. Eh bien, vous lui direz que vous avez besoin de la voir sur les lieux pour écrire la pièce. Ce voyage vous fera le plus grand bien, j'en suis sûre. Vous trouverez là-bas l'inspiration qui vous manque. Mais que ferez-vous pendant ce temps? Ah. Et les enfants? Moi, j'ai assez à faire ici. Je suis sûre que les enfants préfèrent que leur père soit en voyage plutôt qu'ils s'enferment du matin au soir sans jamais passer du temps avec eux. Rosemonde, je ne vous mérite pas. Croyez-vous que je ne le sais pas? Je vous laisse. Les enfants s'impatientent. Attendez. Je viens avec vous. Vous êtes sûr? Vous l'avez dit. Je trouverai l'inspiration à mon retour. Rosemonde, que vous êtes belle. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si je fus éloquent. Vous le fûtes. Oui, mes chéris, j'arrive. Vous voyez que Roxane et Cyrano eurent de beaux enfants. En septembre 1899, Edmond Rostand rejoint Sarah Bernard en Autriche. Rosemonde a vu juste. En compagnie de sa très grande, il reprend goût à la vie. Ensemble, ils s'amusent à courir les antiquaires et se ruinent en objets anciens. De retour à Paris, Rostand, requinqué, se met à écrire pendant que Sarah s'occupe de la distribution. Car pour attirer le public, la pièce a besoin d'une deuxième vedette. Rostand crée ainsi le personnage de Flambeau, un ancien grognard de Napoléon. Pour le rôle, Sarah Bernard se tourne vers son grand ami Lucien Guitry, qui ne peut rien lui refuser. La pièce terminée, les répétitions commencent en janvier 1900. En ce début de siècle, tout Paris attend la Fée Électricité, l'Exposition Universelle et l'Aiglon. 4h30. Elle a battu son record. Et Guitry qui fait les 100 pas sans me parler. Tout ça parce qu'il n'a pas de femme à serrer dans ses bras. Et qu'il ne joue que dans 4 actes sur 6. Excusez du peu. Il faut vraiment être fou pour choisir de s'enfermer avec des comédiens tous les après-midi de la semaine. Ce qui fait un froid de canard ici. Je vais attraper un mal de gorge, c'est sûr. Elle aurait pu investir dans du chauffage, mais non, elle a préféré s'acheter une baignoire en argent pour sa loge. Et bien sûr, elle n'a jamais pris un seul bain dedans. Toutes ces folies font les choux gras des gazettes, et pendant ce temps, personne ne parle de la pièce. Au fond, c'est peut-être mieux. J'ai relu l'acte 3 hier, il m'a paru d'une fadeur. Les critiques ne vont pas me rater, je le sens. Mes chéris, avant elle là. Sarah. Formidable, on n'y croyait plus. Ah, c'est la faute de cette maudite costumière, n'est-ce pas, Elisa? Oui, oui, madame. Oui, elle m'a trop serré mon corset hier et j'ai eu mal au rein toute la nuit. Alors j'ai dû me reposer ce matin. Quand on veut jouer un adolescent à 50 ans passés, il faut souffrir. Oui, mais ça n'est pas en me saucissant la taille qu'on va me faire disparaître mes seins. Bon, Elisa, mettez ma zibeline dans ma loge et faites attention, elle m'a coûté 20 000 francs. Oui, madame. Bon, Edmond, mon très cher, il faut absolument me rajouter des répliques à l'acte 3. Encore ? Nous, on n'entend que vous dans cette pièce. Alors, regardez, dans la scène 3, voilà, Flambeau débite toute sa tirade à l'Aiglon, hein, qui dit pas un mot. Ben, ça n'est pas normal. Si, si, ça s'appelle écouter. Bien sûr, ma chère. Je vais vous rajouter quelques strophes d'ici demain. Rajoutez-lui ce que vous voulez, mais vous ne m'enlevez pas une seule ligne, ou alors j'arrête. Oh, Longuitry, rassurez-vous, il n'est pas question de raccourcir votre moment de gloire. Hein. Bon, Elisa, je veux monter. Oui, madame. Non, mais tout de suite. C'est-à-dire qu'il est déjà 4 heures. Eh bien? Les figurants sont là depuis midi. Bah, ils peuvent bien attendre un quart d'heure de plus, on les paie pour ça, non? À mon humble avis, trop peu. Comment ça, trop peu? Votre thé, madame. Merci. Edmond a raison. Il y a encore 3 comédiens qui ont démissionné hier. Eh bien, qu'on les remplace, quelle importance? La générale approche. On ne peut pas changer d'acteur toutes les semaines. Il vaudrait mieux garder ceux qu'on a et les augmenter. Les augmenter? Mais vous êtes fous, alors qu'ils sont même pas capables de dire des vers correctement? Hier, un figurant a claqué la porte en disant « Au prix où l'on me paie, c'est déjà beaucoup que je dise de la prose. » Je suis d'accord avec Lucien. Il faut mettre le paquet. Que le public se sente à la cour des Habsbourg. Mais il n'y a qu'à me regarder pour cela, voyons. Ça ne suffit pas, Sarah. Tenez, au 5e acte, quand l'Aiglon a une vision de son père sur le champ de bataille, entouré de ses troupes, ce sont tout de même les grognards de la grande armée. Et là, on a une dizaine de freluquets en ombre chinoise derrière un paravent. Mais vous êtes drôle, hein. Mais où voulez-vous que je trouve l'argent? À vous deux, vous me coûtez déjà une fortune. Qui? Moi ? Lucien, par ses cachets exorbitants, et Edmond, qui va me prendre 10% de la recette. Si vous ne jetiez pas l'argent par les fenêtres, on pourrait avoir des décors dignes de ce nom. Personne ne croit à l'armée de Napoléon, avec cette horrible lumière verte. On dirait une troupe d'asticots dans un morceau de Roquefort. Guitry, ça suffit ! Bon, moi j'en ai ma claque. Je rentre chez moi. Oh, j'adore Lucien, mais que voulez-vous ? Il ne supporte pas que je lui vole la vedette. Bon, ben, c'est pas grave, hein. On n'a qu'à répéter la scène de mon agonie. On ne peut pas ! On a convoqué tous les comédiens du troisième acte. Mais comment voulez-vous qu'on joue sans Guitry ? C'est à cause de ses caprices qu'on prend du retard. Bon, d'accord. Je vais jouer son rôle pour aujourd'hui. Oh, vous risquez d'être meilleur que lui. Hein. Tenez, la scène où il meurt. Mmh. Avez-vous déjà vu quelqu'un mourir de façon aussi ridicule ? L'autre jour, je lui ai dit « Soyez gentil, tuez-vous au moins avec du vrai sang, ça donnera un peu d'émotion au public. » Il était furieux. Il y a de quoi. Alors que moi, personne, pas même la Duse, ne meurt aussi bien que moi. Je suis obligé de me faire pleurer dans ma loge juste avant de mourir, sinon je serai en larmes comme le public. Vous êtes étourdissante, Sarah. Chacun le sait. Mais il faut laisser de la place à Lucien. Au fait, j'ai décidé de me couper les cheveux. Ah bon ? Aucune de ces affreuses perruques ne me va. Demain, je me coupe les cheveux à la garçonne. Tout Paris ne parlera que de ça. Ce sera parfait pour la pièce. Allez, allez. On répète. Tout le monde en place. Oh. Allez, installez-les, je vais essayer ma nouvelle baignoire. Quoi ? Mais Sarah ? Oh, juste un petit bain avec des sels pour me mettre en forme. Hein ? Allez, j'arrive. Le 15 mars 1900, la première de l'Aiglon est un triomphe. La vision de Sarah Bernhardt en uniforme et en bottes fait chavirer la salle. Sa célèbre voix d'or déclame avec impertinence les vers patriotiques de Rostand. Le public est conquis par le romantisme de la pièce, par le personnage de l'Aiglon qui, comme Cyrano, rêve d'un destin trop grand pour lui. Le poète maudit, malgré lui, semble bien condamné à un destin glorieux. Sauf que 4 jours après la première, Rostand tombe gravement malade des poumons, comme son héros. Tout Paris défile à son chevet, mais l'auteur le plus célèbre de France ne veut voir personne. Des vers dégingandés. Ah, l'imbécile. De quoi parlez-vous ? De cet infâme Brisson qui éreinte l'Aiglon. Je vous ai dit de ne pas lire les journaux. Il faut vous reposer. Bientôt, je me reposerai pour toujours. Autant savoir ce que la France pense de l'Aiglon. L'Aiglon est un triomphe, tout le monde le dit. Tenez, voilà votre jus de viande. Je n'ai pas faim. Les critiques n'ont rien compris. Ils disent que j'ai écrit une pièce pour encourager la France à prendre sa revanche sur l'Allemagne. Un va-t-en-guerre, moi. Ne vous agitez pas. Je vais changer vos ventouses. D'autres y voient une défense à mots couverts du capitaine Dreyfus. On voit tout dans cette pièce, sauf ce que j'ai voulu y mettre. Aïe ! Ne... Restez tranquille. Arrêtez avec ces maudites ventouses, elles me torturent. C'est moi, votre Aiglon adoré. Alors, comment va notre poète national ? Un peu mieux depuis dimanche. Mais il ne laisse toujours entrer personne, sauf vous. Oh, admirable décision. Tenez, on m'a jeté ces violettes sur la scène. Sentez-les, vous sentirez votre triomphe. Je ne sais pas si c'est très conseillé pour mes bronches. Eh bien, vos bronches seront malmenées, puis l'air de Paris les achèvera. Et moi, je me suiciderai en uniforme sur votre tombe. Sarah, enfin. Je vais vous laisser. Oh, surtout pas. Dès que vous aurez fermé cette porte, il va me transformer en infirmière. Rostand, savez-vous que vous méritez le bagne pour tout ce que vous faites subir à votre femme ? Rosemonde, si la France savait ce qu'elle vous doit. À moi, si peu de choses. Tandis que vous, j'ai lu ce matin que toutes les femmes de Paris ont demandé à Paul Poiret de leur confectionner des capes à boutons comme l'Aiglon. Elles veulent toutes vous ressembler. Oh, toutes ces bourgeoises n'ont qu'à envoyer leur mari à la conscription. Elles auront des uniformes sans débourser un sou. Je crains, hélas, que nous n'ayons pas à attendre longtemps la prochaine guerre. Les nationalistes de tous bords n'ont jamais été aussi agités. Plus je regarde ce siècle qui commence, plus je vois la paix s'en éloigner. Que savez-vous juste de la guerre ? Moi, j'ai soigné des blessés pendant le siège de 1870 au théâtre de l'Odéon. Vous étiez encore dans votre berceau. J'ai tenu la main des soldats pendant qu'on les amputait. Oui, la guerre est horrible. Mais la déplorer n'y changera rien. En revanche, faire vibrer le cœur des Français comme vous le faites, leur redonner espoir, voilà qui est admirable. Espoir, oui, mais espoir dans la paix. Si le public trouve dans ma pièce de quoi alimenter sa haine des boches, j'aurais mieux fait de m'abstenir. J'ai jamais vu un être si peu fait pour le succès. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Son jus de viande. Mmh. Il refuse de manger depuis hier. Oh, je peux? C'est une fin de loup. Mon agonie de ce soir m'a achevée. Mmh. Mmh. Délicieux. Mmh. Au fait, j'ai apporté quelque chose qui vous guérira plus vite que toutes les prescriptions des médecins. Regardez. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça? Prenez l'écouteur. De la musique? Une opérette? C'est relié à un gramophone? Non. Vous êtes en train d'assister au dernier acte de Péléas et Mélisande qui s'achève en ce moment même à l'Opéra Comique. Un théâtrophone? Je n'en avais encore jamais vu. Et demain soir, écoutez à 8h et vous entendrez l'aiglon déclamer « Je n'aime pas beaucoup que la France soit neutre ». Je crains que cet appareil ne soit pour moi une nouvelle torture. Chaque soir, je vais guetter le moindre faux pas des acteurs. J'écouterai, moi. C'est surtout pour vous faire entendre les applaudissements de la foule en délire. Pour vous faire enfin admettre que vous êtes le plus grand auteur de votre époque. Un auteur bien moribond. Rosemonde. Oui? J'ai besoin d'une fumigation. Oui. Vite. Bon, je file. N'épuisez pas trop vite votre femme, mon poète chéri. À demain. Je vous aime. L'aiglon porte la gloire de Sarah Bernhardt au plus haut. La divine part en tournée aux États-Unis et rencontre un triomphe. Mais la pièce signe le déclin de son auteur. Par une étrange similitude avec celle de son héros, la santé de Rostand s'aggrave à vue d'œil. Sur les conseils des médecins, il quitte Paris pour s'exiler au Pays Basque. Là-bas, il fait construire un somptueux palais dans lequel il vit enfermé, comme l'aiglon. Assailli de nouveau par ses démons, il met cette fois 10 ans à écrire une nouvelle pièce, Chante Claire, qui se solde en 1909 par un pénible échec. En 1914, lorsque la guerre éclate, l'aiglon est joué à nouveau en signe de résistance patriotique, mais sans Sarah Bernhardt. Depuis plusieurs mois, la divine souffre en effet effroyablement du genou suite à une chute sur scène. En 1915, elle est obligée de se faire amputer de la jambe gauche. Apprenant la terrible nouvelle, Edmond Rostand s'arrache à son exil pour rendre visite à son ami de toujours. Quelle horreur! Ma Sarah, ce bel être gai et brave, réduite à vivre dans une chaise. Dans les lettres qu'elle m'écrit, elle fait la fière, mais je la connais. Elle ne supportera jamais de ne plus monter sur scène. J'ai honte. J'aurais dû lui écrire 10 rôles comme celui de l'aiglon, à elle et à Coquelin. Le malheureux est mort avant d'avoir pu jouer dans Chanteclair. Qu'ai-je fait de mes années de jeunesse? À force de vouloir fuir le succès, j'ai dilapidé mon temps. Je sens que Rosemonde est arrivée au bout. Elle ne devrait pas tarder à me quitter et je la comprends. Mon Dieu, que le temps est cruel pour les êtres que la gloire a distingués si tôt. Allons, courage. Nous voilà arrivés. Entrez. Mon poète. Oh, Sarah. Approchez. Oh, dites donc, mon cher, je ne vous trouve pas très bonne mine. Comment vous sentez-vous? Moi? Comme Théodora sur le trône de Byzance. Regardez cet admirable fauteuil. Sur le côté, on peut glisser les brancards amovibles, un homme devant, un derrière, et en route. Ah, c'est très ingénieux, en effet. Avant cela, les médecins ont essayé de me faire porter une affreuse prothèse avec un pied qui tournoyait sur lui-même dans le vide. Mais vous n'avez pas idée du ridicule de la chose. Je l'ai essayé devant le fils Guitry qui est venu me voir. Et on a ri. Alors que dans mon fauteuil, je me sens une impératrice en voyage. Il ne me manque plus que des éléphants pour porter mes mâles sur les grands boulevards. Et Comment occupez-vous vos journées? Eh bien, je répète. Vous répétez? Oui, pour un jeune poète, Eugène Morand. Il m'a composé une pièce. On commence dans une semaine. Cela s'appelle « Les cathédrales ». Je joue la cathédrale de Strasbourg. Immobile, majestueuse, âgée de 500 ans. C'est pour moi, hein. Vous allez jouer sur scène? C'est formidable. Et pas que sur scène. Bientôt, nous irons au front pour soutenir les soldats. Comment ça, au front? Les conditions là-bas sont épouvantables. Dans votre état, c'est de la folie. Au contraire, c'est du bon sens. Là-bas, on coupe des jambes tous les jours à des jeunes gars de 20 ans, beaux et forts. C'est l'occasion rêvée de me trouver un mari. Sarah, ne pouvez-vous pas être sérieuse un instant? Je ne l'ai jamais été autant de ma vie, croyez-moi. La guerre a transformé notre pays en une boucherie à ciel ouvert. Et moi, j'irais me plaindre d'avoir eu mes deux jambes jusqu'à l'âge de 72 ans et d'avoir la chance de lui être encore utile, toute vieille et invalide que je suis. Dans 3 semaines, je jouerai à Commercy devant 3000 soldats. C'est tout ce qui compte. Je m'en bats l'œil de ma jambe. Mon ami, je connaissais votre force, votre talent, votre inextinguible joie de vivre. Je ne connaissais pas encore votre courage. La divine dans les tranchées. C'est sans doute mon plus beau rôle. C'est bien plus amusant que le cinéma. Savez-vous que le ministre de la guerre m'a demandé de tourner dans un film pour montrer l'héroïsme de nos infirmières? Et à l'écran, on me voit galoper dans les tranchées alors que je suis assise. Tout est truqué. Je préfère 1000 fois m'agiter pour de vrai dans la boue sur ma chaise à porteur. Je rêverais de vous voir à nouveau jouer l'aiglon. Et moi donc? Mais je crains d'avoir passé la limite d'âge. Savez-vous qu'un journal américain a titré « La grande Sarah, la plus vieille actrice du monde, jouera bientôt à New York ». Je leur montrerai, moi, à 103 ans, ce que c'est qu'une vieille femme. Vous allez jouer à New York aussi? C'est mon impresario qui m'a eu ça. Bah, que voulez-vous? Faut bien que je paie mon opération et mes porteurs et tout ça. J'ai mis mes bijoux au clou, mais ça ne suffit pas. À ce propos, j'aimerais beaucoup monter l'aiglon au Châtelet. On m'a présenté une jeune comédienne de 20 ans, Marie Marquet. Elle serait admirable. Pour moi, il n'y aura jamais qu'un seul aiglon. Mais si vous me recommandez cette Marie... Alors vous êtes obligé de l'engager. Je vais lui annoncer qu'elle est prise. Oh, 6 heures. Faut que j'aille répéter. Armand! Victor! Mais où sont-ils? L'autre jour, savez-vous que ces fichus porteurs sont allés boire un verre et m'ont tout bonnement oublié derrière un décor? Oh. J'ai passé 1 heure à jurer merde de merde jusqu'à que quelqu'un m'entende. J'ai été transportée chez moi par les machinistes. Profitez de la vie, Rostand. C'est une vieille femme qui vous le dit. Sarah, si j'en avais la force, je vous ferais traverser Paris dans mes bras. Vous? Vous vous écrouleriez avant d'avoir fait 2 mètres. Ah, enfin! Et dites donc, c'est pas trop tôt, hein. Bon, allez, emmenez-moi au théâtre. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, allez. Ils sont lents. Mon poète, je vous aime. Ah. Courage! Allez, plus vite, on m'attend. En 1916, Edmond fait répéter le rôle de l'aiglon à la jeune comédienne Marie Marquet. Il tombe éperdument amoureux d'elle et quitte enfin Rosemonde. Mais le bonheur des amants sera de courte durée. Marie répète l'aiglon avec enthousiasme, mais Edmond s'assombrit. Il compose des vers patriotiques pour les soldats, mais sa poésie est jugée désuète. Pris dans les convulsions de l'art nouveau, Paris rend hommage au modernisme et célèbre l'audace d'un poète soldat, Guillaume Apollinaire. La jeune génération rejette la belle époque qui les a envoyés à la boucherie. L'auteur de l'aiglon sent qu'il fait partie d'un monde désormais révolu. Le 22 novembre 1918, Edmond Rostand est pris de frissons lors d'une répétition de l'aiglon. Il est transporté en urgence à son domicile. Mourir 4 jours après l'armistice. Voilà qui me ressemble bien. J'aurais préféré mourir au front, ça aurait eu du panache. Mais il faut croire que je ne suis pas Cyrano. Et Marie qui n'arrête pas de pleurer. L'infirmière lui a interdit d'entrer. Rosemonde a eu le droit de me voir 5 minutes et elle a dû se passer du désinfectant sur tout le corps. C'est que les autorités ne plaisantent pas avec la grippe espagnole. Après la guerre, l'hécatombe sanitaire. Je quitte ce monde en même temps que la belle époque. Pauvre Marie. Mais je préfère qu'elle ne me voie pas dans cet état. Elle a 20 ans. Je ne veux pas qu'elle emporte l'image de son premier amant qui agonise. Sarah, elle, à ma place, aurait réussi ces derniers moments. Elle serait morte au milieu de sa cour, entourée de fourrures et de bijoux, entre une panthère et un alligator. Sarah. On m'a dit qu'elle arrivait aujourd'hui par le train du soir. J'espère pouvoir la voir. La voir une dernière fois. Ma divine. Edmond Rostand et la création de l'Aiglon de Marjorie Philibert avec Edmond Rostand, Loïc Maubihan, Sarah Bernard, Johanna Nizar, Rosemonde, Elodie Collin, Lucien Guitry, Slimane Yevza, Elisa, Éléonore Alpi et la précieuse participation de Swann Guiton. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Cédric Chatelus et Étienne Collin, assistante à la réalisation Alexandra Garcia Villa, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. On poursuit la discussion sur Edmond Rostand et l'Aiglon dans quelques minutes avec mon invité François Taillandier. Fog on calling, thought I spied a ship at the harbor gate. So the mooring, when the anchor dropped with the iron. The darkness from you. Heard a whispering with the ballot cast on the judgment floor. Heard a wailing when the world was cold, it was cold no more. Where is a wish, does a yearning? As a yearning hand to hope, a hope to hold, to call forth the darkness from you. Ship is leaving when the bell will toll, it'll toll for you. No denying when the log is lost, it can't be true. The darkness from you. Pierce Faccini, Foghorn Calling sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Dienab Sangaré. François Taillandier, Edmond Rostand, donc, est mort le 2 décembre 1918. Il n'avait que 50 ans, en pleine répétition de la reprise de l'Aiglon, quelques semaines après l'armistice qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. De quoi est-il mort? C'est la grippe espagnole? Oui, on s'accorde à dire que c'est la grippe espagnole. Genre qu'il était de toute façon, depuis longtemps, de santé extrêmement fragile. Il avait déjà eu de très gros ennuis pulmonaires au moment de la création de l'Aiglon, d'ailleurs, en 1900. Et donc, effectivement, oui, la grippe espagnole sévit dans Paris à ce moment-là. Il assiste à des répétitions de l'Aiglon, il prend froid et il se sent venime, quoi. Voilà. Pour vous, François Taillandier, ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs que Edmond Rostand ait choisi ce personnage de l'Aiglon qui peut-être lui ressemble un peu par sa fragilité à la fois psychique et physique. Oui, ce que l'on sait, c'est que Edmond Rostand, depuis le début, on le voit dans ses poèmes, on le voit à travers Cyrano, bien sûr, d'abord, d'une manière générale, une espèce de fascination pour les faibles, pour les écrasés, les vaincus. Et il a une fascination pour ce personnage, c'est un Hamlet, Hamlet à Schönbrunn, ce jeune homme qui rêve éventuellement de restaurer l'Empire, qui n'y arrivera pas, évidemment, et qui est d'ailleurs également très... Je crois qu'il est phtisique, l'Aiglon, d'après ce qu'on a compris. Et c'est curieux, il y a une fascination presque morbide de Rostand pour ce personnage-là, effectivement. Et c'est d'ailleurs troublant, c'est à la création de l'Aiglon qu'Edmond tombe gravement malade, et c'est à une reprise de l'Aiglon qu'il retombe malade et meurt. C'est très troublant. C'est une coïncidence, mais elle est troublante. C'est étonnant. Edmond Rostand, donc on a compris, était un homme qui doutait énormément de lui. La comédienne Marie Marquet, qui à 20 ans a été sa dernière maîtresse, vivra elle très longtemps. La voici, oui, qui parle en 1965 de la personnalité d'Edmond Rostand. Il était, c'est-à-dire très mal connu, il était connu à travers son œuvre, alors qu'il aurait dû être adoré parce que son œuvre c'était... son propre reflet. Enfin, Rostand était la simplicité, la modestie, la bonté. Et d'abord, il était bon. Et puis, doutant toujours de lui, beaucoup plus que des autres, se comparant toujours en disant « Écoutez, voilà, écoutez ce qu'écrivait Hugo, écoutez ce qu'écrivait Baudelaire, écoutez Verlaine. » Alors, c'était une espèce d'hyper-modestie. Or, le public l'a toujours pris à cause de son élégance, de sa race, son côté légèrement précieux, un peu trop élégant, si vous voulez. Étonnant ce témoignage de Marie Marquet, François Taillandier, une femme qui était évidemment très amoureuse de lui. Oui, mais je crois que c'est très juste. Hein. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que Edmond Rostand était bipolaire, comme on dit aujourd'hui? Ben, je crois que c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, et d'après tous les témoignages que l'on a, Rostand alterne des phases de dépression totale, où il se juge absolument nul et incapable, et puis des moments où il reprend de l'énergie, il reprend courage, et c'est très curieux d'ailleurs, parce que l'œuvre qu'il écrit est toujours très claironnante, très vive, très, très spirituelle, très, très étincelante. Donc il y a vraiment un contraste entre l'image publique de cet auteur dramatique très brillant, très éclatant, très ostentatoire, et l'homme privé qui est en effet très souvent sujet à, d'abord qui est d'une grande timidité, qui doute énormément de lui, et qui par moments est au bord du désespoir, parce qu'il estime qu'il ne fait rien de bien. Il jette au fur et à mesure les pages de Cyrano, c'est Rosemont Gérard qui les récupère dans la poubelle, quand même, il faut le savoir ça. Oui, heureusement qu'il y a des femmes autour de lui qui le soutiennent, donc Rosemont, vous venez de le dire, François Taillandier, mais il y a aussi Sarah Bernard, hein, on l'a entendu, avec sa bonne santé, sa ténacité, sans lesquelles l'Aiglon n'aurait probablement pas vu le jour. On l'entend un moment dans la fiction qui dévore le jus de viande qui était destiné aux malades et Edmond Rostand. C'est un sacré personnage, donc Sarah Bernard, et sans elle, il n'y aurait pas eu l'Aiglon. Peut-être pas. D'abord, c'est elle qui... Parce que pour elle, c'était son petit poète chéri, hein, c'est elle qui l'avait lancé. Donc une fois qu'il a eu son triomphe, elle dit « Bon, maintenant tu vas de nouveau travailler pour moi ». Donc ils se mettent d'accord sur ce sujet, et elle a de l'énergie pour 15, ça c'est sûr. Elle mène son monde, elle y croit, elle va le faire, elle n'a aucun doute sur elle-même, c'est le contraire d'Edmond. Je vous propose d'écouter la grande tragédienne dans le rôle de l'Aiglon, enregistrée en 1902. Attention, il faut tendre l'oreille. Ne me regardez pas avec tes yeux. Pourquoi rentrez-vous tout d'un coup en silence vers moi? Dieu, vous vous laisseriez quelque chose, il me semble. Pourquoi reprenez-vous haleine tous ensemble? Pourquoi vous ouvrez-vous, bouche pleine d'horreur? Quoi qu'allez-vous crier? Quoi? Assez étonnant, on a du mal à imaginer à quoi pouvaient ressembler ces spectacles qui, évidemment, n'ont rien à voir avec le théâtre d'aujourd'hui, François Taillandier. Oui, quand on écoute cette diction et cette façon de faire, On est presque étonné, mais elle passait pour la plus immense actrice de son temps, c'était acclamé ça. Évidemment, aujourd'hui, plus personne ne jouerait comme ça. Ça montre à quel point les voix, les modes de diction et les modes théâtrales peuvent évoluer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque inaudible, en fait. Ça ne passe plus, en tout cas. Est-ce que Rostand et Bernard ont été amants? Certains l'ont prétendu, il n'y a aucune preuve de rien. Moi, je n'y étais pas. elle était quand même réputée être très séduisante pour les hommes. Et Rostand, d'après tout ce qu'on en sait, est un homme qui s'intéressait beaucoup aux femmes. Alors, est-ce qu'ils ont voyagé ensemble à Vienne, pour préparer d'ailleurs l'Aiglon? Que s'est-il passé? Personne ne sait exactement, mais c'est pas du tout impossible. L'Aiglon, on l'a vu, a reçu un immense succès en 1900 à sa création. Est-ce qu'il y avait un message politique dans cette pièce? Est-ce que Edmond Rostand était nationaliste? Alors, nationaliste, je ne crois pas. Patriote, certainement, oui. Oui. Il se juge français, il se définit comme français, il aime la culture française, la civilisation française, la langue française. Nationaliste, non. Je ne crois pas. D'abord, il est Dreyfusard, ce qui est quand même intéressant à noter. C'est-à-dire que ça, il se passionne pas pour cette affaire. Enfin, il ne s'engage pas très, très fortement, mais il est Dreyfusard. Et par la suite, la guerre lui fait horreur. C'est pas quelqu'un qui trouve que c'est merveilleux. On va enfin prendre la revanche sur les Allemands. C'est pas du tout son affaire. La guerre est une chose qui lui fait horreur. Par contre, à travers l'Aiglon, on peut penser qu'il exalte, la Révolution française, tout simplement, je crois, hein, dont il s'estime vraiment un héritier. Alors après, l'Aiglon est repris effectivement au moment de la guerre de 14-18, et à ce moment-là, l'Aiglon passe pour une pièce patriotique, parce qu'on montre les méchants autrichiens, n'est-ce pas, qui ont fait prisonnier le petit Napoléon, et qui le traitent mal. Donc ça prend à ce moment-là un sens patriotique un peu revanchard. Je ne pense pas que c'était dans son intention au départ. Il l'a écrit d'ailleurs en tête de la pièce, il dit « ce n'est pas une cause que j'attaque ou que je défends, hein, et ceci n'est pas autre chose que l'histoire d'un pauvre enfant ». Donc il se défend d'intentions politiques trop marquées. Edmond Rostand meurt en 1918, il a entrevu naître un nouveau monde, né de la Première Guerre mondiale, un monde auquel il ne va pas participer. Est-ce qu'on peut dire que Edmond Rostand appartient au monde d'hier, comme l'écrivait Stefan Zweig, la belle époque? Je pense, oui. En effet, le monde d'hier, le rapprochement est très juste. Il me semble qu'Edmond Rostand a conscience, pendant les 4 ans que dure la guerre, que la France dans laquelle il a vécu, la société dans laquelle il a vécu, sont condamnées. C'est le naufrage du Titanic. Cette France extrêmement brillante des années de la Troisième République, cette France qui fait la Tour Eiffel, qui fait le métro, qui fait l'électricité. Edmond est fasciné par tout ça. Une France glorieuse avec son empire colonial, etc., etc. Je crois qu'Edmond se rend compte qu'avec le carnage de 1914-18, cette civilisation, cette Europe-là, même sans parler de la France, mais cette Europe-là est fichue. Et je pense qu'il a le sentiment qu'il sombrera avec. Enfin, il l'a pas dit, mais ça se sent. Il se sent condamné. Faudra passer la main à d'autres poètes, à d'autres artistes, à d'autres politiques également. On sait que, par exemple, il s'intéresse beaucoup, il dit qu'il faut abattre toutes les vieilles monarchies de l'Europe centrale, il faut faire confiance à des hommes nouveaux, à des Wilson, à des gens comme ça. Et je pense qu'il a conscience que lui-même est entraîné dans le naufrage. Voilà, c'est mon sentiment. Merci beaucoup François Taillandier. Je conseille vivement la lecture de votre livre Edmond Rostand, l'homme qui voulait bien faire, sorti aux éditions de l'Observatoire, et votre dernier livre François Roman est paru chez Stock en 2019. À lire bien sûr aussi les œuvres d'Edmond Rostand disponibles en poche chez Flammarion ou Gallimard, et à visiter la Villa Arnaga, la demeure extraordinaire qu'Edmond Rostand a fait construire à Cambo-les-Bains au Pays Basque. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission et la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en compagnie de Napoléon à Sainte-Hélène. C'est exilé par les Anglais sur cette île perdue, on le sait, qu'il finira sa vie. Ce qu'on sait moins, c'est que presque jusqu'au bout, l'ex-empereur a gardé l'espoir qu'il réussirait à s'évader et à reprendre son pouvoir en France. Un cauchemar que les royautés européennes ont tout fait pour empêcher. Napoléon à Sainte-Hélène, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Nadia Dame pour Modern Love.